sortait les vinyles, qu'on éteignait tous les mobiles. Et si on pouvait danser comme la première fois en chantant Shabadabada. Je me souviens de cette phase B. Starsky et Hutch encore roulaient. C'était bien avant le laser. On chantait Love is in the air. Oh, oh, oh. Si on mettait nos vies sur pause un instant. Plus de messages et plus d'images. Rien que l'envie de voyage, voyage. Si on ressortait les vinyles. C'est comme la première fois, surtout c'est Shabadabada. C'était hanché sur un air disco. Pas d'effet chaud sur un plateau. S'envoler pour Alexandrie avec Clo-Clo. Si on repartait à zéro. Ce soir tu seras mon Aline. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gamozo, vous êtes sur le 107 FM. Merci d'être à l'écoute, vous nous suivez sur le web www.radiogamozo.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Plus de 800 personnes ont vu la publication pour cette émission. Merci à vous. Bonjour le Québec, bonjour le Maroc, la Belgique, la Suisse, l'Italie. Alors plusieurs amis auditeurs et auditrices nous écoutent de par ces pays. Peut-être bientôt l'Allemagne avec mon futur invité. Tiens, ça me fait penser tous ces pays-là, c'est la Coupe du Monde qui commence aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je fais à la radio, moi? Non, bon, c'est pas grave, la Russie contre l'Arabie Saoudite, non, c'est pas mes... Voilà, bref, alors bonjour la technique, bonjour Marc, je retrouve Marc. Bonjour Gilou, tu vas bien? Bonjour à tous et à toutes. Après ces quelques journées de vacances, hein, c'est deux petites semaines de vacances. Oui, oui, mais très sportive. Très sportive, oui, d'accord. C'est bien. Alors, voilà, donc on va écouter ça. Hello les artistes, c'est Dany Blondeau. Vous avez besoin de chansons, ou de textes, ou de vidéos pour mettre en valeur vos chansons, ou de critiques d'art, ou de promos en radio? Pensez à me contacter. Dany Blondeau, @orange.fr. J'en ferai mon affaire. Bye! Voilà, donc un petit spot de notre ami Dany Blondeau, qui est une belle auteure. Alors, vous êtes avec Gilou dans les années Bonheur. Je vous accompagne en musique et en direct jusqu'à 17h30. Avec cette semaine, mon invité Enrico Palmieri, que vous allez découvrir sur nos ondes. Avant de rejoindre Enrico, n'hésitez pas à nous laisser des messages sur la page Facebook de la radio et sur la page Gilles Mougel officielle. Soyez nombreux, je compte sur vous. Je retrouve maintenant par téléphone Enrico. Bonjour Enrico. Bonjour Gilles et bonjour à tous les auditeurs. Comment vas-tu Enrico? Eh bien ça va pas mal, hein. On a un soupçon de soleil qui se lève, donc ça fait toujours du bien au moral, donc c'est parfait. Oui c'est sûr, alors rappelle-nous Enrico, tu es de quelle région? Je sais. Alors moi à la base je suis né à Paris, je suis installé dans le sud-ouest de la France, il y a à peu près une dizaine d'années de cela, à Dax particulièrement, donc entre Bordeaux et grosso modo et Biarritz pour situer un petit peu à nos auditeurs. Ouais. Donc tu as un peu de soleil, hein, tu nous disais. Quand je dis soupçon, je mâche pas mes mots, c'est vraiment un soupçon. Un soupçon, oui. On prend ce qu'il y a à prendre. Oui, c'est sûr, c'est un petit peu partout. Alors nous, dans les Vosges, c'est pareil, oui. On a un petit peu de soleil, mais bon, ça reste encore un petit peu frisqué, quoi, tu vois. C'est... Ouais. Mmh. Bon, pourvu que ça dure, enfin, pas le froid, mais en tout cas le soleil. Oui, oui, puis ça va s'arranger, je pense. J'espère, ça peut plus durer derrière, c'est sûr. Oui, voilà. Alors, Enrico, bienvenue sur les ondes de Radio Gamozo. Merci beaucoup, merci pour l'invitation en tout cas. Merci d'avoir accepté, de rien, c'est avec plaisir. Et puis bon, je voudrais remercier mon ami Jean Anteline, hein, qui nous a mis en relation. Tout à fait, bonjour d'ailleurs à Aline également. Voilà, elle est à l'écoute. D'accord. Un petit coucou Aline. Voilà Enrico. Alors, je veux dire, la musique pour toi, ça commence à quel moment? Un peu tardivement, ça fait à peu près une dizaine d'années que je chante. Finalement, ça coïncide plus ou moins à mon arrivée dans le sud-ouest, tout simplement. Oui. Voilà, je chantouillais, c'était plus du karaoké à la base, et puis de fil en aiguille, autour de 2-3 compliments au début que je trouvais finalement... je pensais dérisoire au début, mais au final, je m'y suis pris un petit peu au jeu. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu une passion à part entière. Part entière, oui, c'est vrai qu'on connaît tous un petit peu, on commence un petit peu par ça, par le karaoké. Et puis, comme tu le disais, donc voilà, il y a quelques personnes qui disent, tiens, c'est pas mal. Exactement. Tu chantes pas mal, ça. Et puis voilà quoi. Et on s'est guidé finalement par la chose. Bien sûr, et puis on est pris aussi par le... C'est une passion aussi, hein, bien sûr. Oui, c'est ça. Oui. Puis c'est avant, ça. Après, c'est un exécution. Oui, c'est une manière de finalement de d'extérioriser. Enfin, c'est très bien pour un grand timide de base que j'étais. Finalement, ça a été une bonne thérapie aussi. Ouais. Ouais, je crois. Alors, bon, j'ai écouté tes chansons. J'ai senti une grande sensibilité chez toi. Enfin, je sais pas si je me trompe. C'est gentil. Bah, difficile à se définir soi-même, mais oui, dans l'ensemble, c'est un morceau de vie qui a été raconté, donc. Donc c'est possible. Oui, d'accord, ok. Ouais. C'est des chansons autobiographiques pour la plupart, Enrico, oui. Pour la plupart, ouais. Oui, pour on va dire les deux tiers de l'album. Ouais, j'ai pensé, ouais. Trois quarts, même. Voilà, trois quarts, deux tiers. On peut dire, oui, en effet, que c'est le cas. D'accord. Et ça, c'est donc. On va en parler, bien sûr, de ton tout dernier album. Hein. Oui. Bien sûr. Donc, tu nous rappelles le titre Je suis. Alors, à cœur ouvert. À cœur ouvert, voilà. Voilà. Ok. Et il y a eu d'autres choses avant, d'autres albums. Alors, je crois qu'il y a eu un autre album avant. Non, c'est le premier album. C'est le premier album. Pour le coup, le premier opus qui sort. D'accord. Qui sort là. Ok. Donc, c'est avec cet album que tu as travaillé, parce que tu as fait des belles rencontres, je dirais, avec des musiciens de renom. Oui, tout à fait. Oui. Hein, on va parler du bassiste de Michael Jones. Exactement. Pianiste de Jean-Jacques Goldman. Voilà, Jackie Mascarell, anciennement pianiste de Jean-Jacques Goldman, qui aujourd'hui travaille avec Michael Jones. Michael Jones, oui, d'accord. Ouais. Voilà. Mmh. Et Michael Jones lui-même, d'ailleurs, qui a participé en effet sur un des titres de l'album. Et voilà, Pierre-Étienne Michelin, qui est batteur, donc également toujours pour Michael Jones. C'est son équipe, hein, finalement, avec laquelle j'ai travaillé. Oui. Et qui avait collaboré à l'époque avec d'autres artistes, Jennifer notamment. Jennifer, ouais, d'accord. Ouais. Voilà. C'est quelqu'un d'assez réputé dans le petit milieu, et un excellent bassiste aussi. Enfin, vraiment une équipe, pour le coup, où j'ai énormément de chance de collaborer avec eux. Oui, bien sûr, oui. C'est des belles pointures, hein, comme on dit. Oui, c'est vrai. Hein, c'est des belles pointures. Et très gentil en plus de surcroît, très accessible. Donc, c'est d'autant plus facile pour un artiste peu confirmé comme moi. Alors, tu es juste interprète ou tu composes Je suis auteur et interprète. Auteur et interprète. Et puis après, donc voilà, toute la partie composition, donc c'était via Christophe Bosch, donc là, en effet, le bassiste de Michael Jones, et puis toute l'équipe que je viens de citer juste là. D'accord. Alors, Enrico, si tu veux bien, on va écouter un premier titre. Oui, avec plaisir. Ouais. Donc, je te remercie donc de m'avoir envoyé l'MP3. Alors bon, comme je dis toujours à mes invités, mais aux artistes, j'aime bien un petit peu surprendre dans le choix, dans mes choix, non, par rapport à l'album, enfin par rapport à la dont les chansons sont classées, hein, bien sûr. Ouais. Alors là, j'ai voulu écouter une première chanson qui s'intitule Tu me manques. Oui. Voilà. Oui. Donc on écoute et on en reparle après. Allez, avec grand plaisir. Ok, merci. À la radio, cette chanson que tu aimais, c'est pour laquelle, sur moi, tu te blottissais. L'écouter seul aujourd'hui me glace le sang. Il m'a fallu la distance pour comprendre que je t'aimais tant. Je regarde tous les jours cet album photo. Les pages défilent trop vite, la fin arrive trop tôt. Tu me manques, tu me manques. Ce rêve ne sort plus de ma tête. Tu me manques. cette soirée où je t'ai recroisé. Mon cœur s'est arrêté, mon âme s'est figée. Sur ton visage, je pouvais lire ce si beau sourire. Celui que tu m'offrais avant, avant que n'arrive le pire. Étions-nous trop jeunes pour vivre ce bonheur? Je n'ai pas saisi cette chance, un autre est dans ton cœur. Tu me manques, tu me manques. Ce rêve ne sort plus de ma tête. Tu me manques, tu me manques. Ce cauchemar m'aura à l'usure peut-être. Je le sens que c'est toi, je vois en toi que c'est moi. Je ne peux expliquer ce gâchis, mais c'est sans toi que se dessine ma vie. Tu me manques, tu me manques. Ce rêve ne sort plus de ma tête. Ce cauchemar m'aura à l'usure, peut-être. Tu me manques. Oh. Tu me manques. Voilà. Enrico Palmieri, Tu me manques. Une belle chanson, là, tout en douceur. Enrico. Oui. Oui. Oui, pardon. Oui, en effet. Mais, alors, bah, c'est le début de l'aventure, finalement, cette première chanson. Donc, ça a été le premier titre qui m'a été proposé. Oui. Mais l'aventure est née par. Tout simplement, en fait, un repérage sur les réseaux sociaux, comme quoi ça n'a pas que du mauvais non plus. C'est oui, c'est vrai. donc la rencontre avec un label qui est toujours basé sur Lyon, qui m'a proposé de sortir un titre et puis voir un petit peu ce que ça donnait. Donc ce fameux titre, Tu me manques, pour lequel donc un auteur avait écrit un premier texte qui ne me convenait pas, et puis bah, j'ai demandé, en fait, tout simplement, sans grande prétention, mais de pouvoir juste écrire moi un texte similaire, en tout cas sur le thème qui était évoqué sur la proposition. Oui. Et puis voir si ça passait, puis apparemment, bah écoutez, ça a convenu, et donc on a sorti ce premier single. D'accord. Alors je sais, comme tu as dû entendre Enrico sur mon intro, donc on a des petits messages qui arrivent, donc j'avais dit que je livrerais en direct, hein. Ah, super. Oui, donc il y avait un petit message de Nadine. Alors Nadine Lesgourg, je m'excuse, je ne veux pas écorcher son nom. Lesgourg, d'accord, ok. Ouais, alors elle met après, ça sera les années bonheur chez Patrick Sébastien. C'est vraiment, c'est vraiment top, félicitations, bravo, topissime, bisous. Voilà. Ouais. J'ai la chance, pour le coup, oui, c'est vraiment une chance d'avoir pas mal de personnes, en fait, qui me suivent, des gens très sympathiques. J'ai une armée de gentils gens qui sont derrière moi, et c'est pour un artiste comme moi, c'est que du bonheur, quoi. Ouais. Oui, bien sûr, oui. Alors j'ai aussi Jean-Luc Thaïlandier. Oui, c'est ça. Donc vous allez recevoir un artiste exceptionnel. Enrico Palmieri écrit et interprète avec le cœur, une belle voix et des textes qui parlent. Ce n'est que du bonheur. Voilà, tu vois, c'est ce que. Voilà. Un gros bisou à Jean-Luc et Nadine. Voilà, c'est très très gentil. Voilà. Donc, ben voilà. Pour l'instant, voilà les petits messages que je voulais te livrer. Ben, c'est très gentil. Enrico, merci beaucoup. Non, ben, c'est normal. Et puis, donc avant cet album, y a eu quand même. Il y a eu quand même, comment je dirais, des choses qui ont été faites avec un ami chanteur, je voyais sur ton... Oui, sur oui, le... En fait, quelqu'un qui avait déjà un pied dans la musique depuis un petit moment et avec qui donc on avait créé un petit groupe de deux. On était trois, quatre sur cet ensemble-là des fois aussi. Et ça a été de la reprise, des choses un petit peu acoustiques, un petit peu améliorées qu'on avait refait à notre sauce. Et puis bah, c'est concrètement Yannick que je cite et que je salue au passage. C'est grâce à lui finalement que j'ai eu cette voilà, cette passion accrue, on va dire, vraiment pour la musique. Je lui dois beaucoup. Ouais. D'accord, ouais. Donc c'était différentes chansons, hein, des reprises de variété, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Le répertoire était plutôt basé sur quelque chose de très jazzy, très acoustique à la base, et puis finalement on s'est orienté sur les demandes aussi un petit peu qu'on avait, hein, donc il a fallu animer des balles aussi, donc il a fallu reprendre des choses un peu plus anciennes. Voilà, mais c'est bien parce que ça permettait d'avoir un répertoire assez riche, assez large. Puis je dis souvent, bon, de faire des balles, des choses comme ça, je veux dire, c'est toujours bien. Ça apporte quelque chose, hein. Bon, c'est vrai, je le dis souvent, mais bon, on se répète en radio, c'est vrai, quand mais c'est vrai que ça apporte, voilà, ça donne du, ça apporte quelque chose, quoi, je veux dire, pour la suite. Oui, complètement. Ouais, ensuite, c'est une bonne école, je dirais, une bonne école peut-être. C'est une bonne école, parce que ça m'a orienté aussi sur des goûts musicaux que j'avais pas forcément au départ, et puis ça m'a fait connaître plein de choses, des interprètes ou des auteurs que qui n'étaient pas forcément dans la lignée de ce que je pouvais écouter avant ça, oui. D'accord, oui. Et puis alors, donc, j'ai vu aussi donc une participation à deux émissions de télé. Oui. Ça c'était bien avant, donc oui, forcément, avant ton album. La jeunesse. Dans ma jeunesse. Non, en effet, j'ai eu. Qu'est-ce que je dirais, moi? Oui. Donc, un repérage, oui, qui avait été. Alors, j'ai pas fait d'émission, là, j'ai été repéré en fait pour le casting de The Voice, c'était en 2013. Ça fait 5 ans déjà. D'accord. Voilà, donc bon, un casting pour lequel j'avais pas encore l'expérience en fait sur aussi d'aujourd'hui, et puis bon, j'étais clairement pas suffisamment à l'aise et très, très certainement pas à la hauteur pour aller plus loin. Non. Mais bon, j'avais eu quand même ce repérage qui était déjà sympa, parce que grâce à ça, j'ai pu aller sur Paris, j'ai pu passer l'étape première, et j'en étais ravi. Et puis après, une petite émission qui passait sur une télévision parisienne à l'époque, enfin sur IDF1, une petite émission d'artistes, chanteurs, et puis j'avais fait en effet un passage en 2012, donc c'est encore plus vieux. Donc là, on va pas parler d'âge, parce que voilà, ça fait 6 ans, c'est une éternité. très très beau souvenir. C'était avec l'ancien animateur du club de Roté d'ailleurs à l'époque, Jackie. Ah oui, Jackie, voilà. Oui, d'accord, ok. En même temps, je réalisais alors deux rêves, chanter sur un plateau télé, puis je réalisais le rêve de rencontrer quelqu'un que je suivais quand j'étais forcément petit, puisque je suis de cette génération là. Très sympa, sans regret, vraiment. Bien sûr, et puis comme je disais tout à l'heure, hein, par rapport au bal, tout ça, bon, après, rien n'est inutile, ça apporte de l'expérience. Bien sûr. Hein, même si ça n'a pas abouti, bon, bien sûr, comme tu disais, tu n'étais peut-être pas encore assez prêt pour The Voice, par exemple, voilà, mais c'est rien n'est inutile, quoi, je veux dire, hein, ça apporte quelque chose, quoi, ça. Complètement. Hein, je regrette absolument pas, et puis bon, oui, après, en 5 ans, bon, ça faisait peu de temps que je chantais, c'était quelque chose de nouveau, et puis je comme je l'ai dit en préambule, pour un grand, grand timide que j'étais, c'était une nouvelle étape à franchir, et puis voilà, se retrouver devant un jury où ils ont en effet les yeux rivés sur vous et tels des prédateurs. c'est formateur, vraiment. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu as des parents musiciens? Je pose toujours absolument aussi souvent pas, la question. Non. D'accord. Non, absolument pas. Je suis le premier des six, on va dire, à être intéressé par la musique. J'ai eu le virus par un ami chanteur qui m'a fait découvrir justement cet univers-là, puisque lui-même chantait. Il avait une sœur qui était célèbre, Leslie. Je ne sais pas si ça te parle. C'était une chanteuse, une petite chanteuse qui avait chanté dans le début des années 2000 un certain nombre de titres. Voilà, donc je suis ami avec son grand frère qui était producteur d'ailleurs de cette Leslie-là. Et puis voilà, donc j'avais une très très grande admiration, que j'ai toujours d'ailleurs, pour ce monsieur-là, David, que je salue aussi. J'en profite. Je t'en prie, Enrico, tu es à l'antenne. l'antenne est ouverte. J'en profite. Tu profites, hein, si tu as des petits coucous à faire, il n'y a pas de problème. De toute façon, on aime bien se faire des petits coucous, hein, toujours. Non. J'en profite, je rentabilise. Oui, non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on écoute un deuxième titre de ton album qui s'intitule Couleur. Donc là, c'est un titre un petit peu plus rythmé. Hein, on va, oui, en effet. On va écouter et puis tu nous en reparles après, bien sûr. Voilà, ah, merci. Avec grand plaisir. Le parfum du linge étendu sur les balcons, nous retrouver tous autour du même ballon. Noir, blanc, jaune, peu importe la couleur, on mélangeait la plus belle des saveurs. Les voix de nos mamans qui nous demandaient de rentrer, d'arrêter de jouer, car tombait l'obscurité. Mon père mangeait par terre avec les mains. Mon frère était chinois ou africain. Ma mère m'aimait comme son fils de sang. Pas de doute en moi, ni la nostalgie de ses temps. Aujourd'hui l'homme se referme sur lui-même, en quête de spiritualité sans savoir où elle mène. Et qui nous fait perdre notre fraternité, trop loin de nos belles valeurs inculquées. Une kippa, une croix, un bouddha, un croissant, peu importe le signe, aimons-nous naturellement. J'ai par terre avec les mains. Mon frère était chinois ou africain. Ma mère m'aimait comme son fils de sang. Pas de doute en moi, ni la nostalgie de ses temps. J'ai l'espoir que ce monde s'embellisse enfin. Que peu importe l'épiderme, on se tienne tous par la main. Apprendre à s'apprivoiser sans peur. Que nos origines servent à embellir les trois couleurs. Mangeait par terre avec les mains. Mon frère était chinois ou africain. Ma mère m'aimait comme son fils de sang. Pas de doute en moi, ni la nostalgie de ses temps. Mon père mangeait par terre avec les mains. Mon frère était chinois ou africain. Ma mère m'aimait comme son fils de sang. Pas de doute en moi, ni la nostalgie de ses temps. Mon père mangeait par terre avec les mains. Mon frère était chinois ou africain. Ma mère m'aimait comme son fils de sang. Pas de doute en moi, ni la nostalgie de ses temps. Voilà, couleur. Alors, voilà, avec un air bien rythmé, Enrico, oui. je pense à du reggae, je me trompe pas. C'est ça, oui, c'est ça. Un fond de reggae. Un fond de reggae, hein. Ouais. On la retient bien, hein, celle-ci. Oui, ah, elle parle. Ouais. Elle parle bien. Le rythme, on retient assez facilement le rythme, et puis le refrain, ça c'est gay, entraînant. Ouais, c'est gay, entraînant. Et puis de belles paroles aussi, quoi, je veux dire. Qui parle peut-être d'un temps, comment je dirais ça, peut-être d'un temps passé, non? Et puis oui. Où les gens ont été plus, je dirais où maintenant on se ferme plus, on est moins. Exactement ça. Ah, c'est un peu ça. Ce qui traduit bien, c'est justement la fin de mon refrain où je dis en moi, il y a la nostalgie de ces temps, parce que c'est vrai, c'est une vraie nostalgie. Oui. À l'époque, je me rappelle petit, donc moi. Comme je disais précédemment, je suis né et j'ai grandi donc en banlieue parisienne, donc même voilà, j'étais en plein dedans, et c'est vrai qu'on se mélangeait tous. Enfin, il n'y avait aucun problème de communauté, de couleur, tout ça, tout à fait. On s'entraidait, et c'était vraiment un sentiment qui était exceptionnel. Enfin, franchement, j'ai vécu des années absolument fabuleuses. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que bah, avec l'actualité d'aujourd'hui, on a l'impression un petit peu que ces choses-là disparaissent, et à mon plus grand regret, parce que c'est de vraies belles valeurs que j'ai apprises, en tout cas, à cette époque-là. Oui, ben je te rejoins là-dessus, parce que bon, j'ai connu ça, alors moi je suis d'un âge un petit peu plus avancé. Mais c'est vrai que, je veux dire, quand je pense au moment de l'adolescence, tout ça, enfin, je veux dire, même avant, on avait des périodes où on était tous ensemble, je veux dire, voilà, on n'avait pas tout ce qu'on a maintenant. Exactement. Bien sûr, on n'avait pas tous cette technologie, tout ça. Bon, après, ça a du bon aussi, hein, bien sûr, mais oui. Et c'est vrai qu'on savait s'amuser tous ensemble. Je sais pas, on allait simplement boire un coup en ville. On arrivait à se retrouver, même si on n'avait pas de portable forcément. Mais on arrivait à se retrouver, tout ça. Et je trouve maintenant, alors c'est pareil, je le dis assez souvent aussi. Après, bon, moi je suis aussi accro à la technologie, mais je veux dire, c'est vrai que maintenant, des fois, on voit des gens dans la rue, on a l'impression qu'ils se parlent plus, ils ont le casque sur la tête. Oui, l'intelligence artificielle, c'est un peu la connexion entre les hommes, finalement, c'est le paradoxe, hein, mais je te rejoins complètement, Gilles, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah oui, c'est... Voilà quoi, je veux dire, alors qu'on peut très bien quand même... Je veux dire, ça me fait penser aussi. Bon, moi, j'ai des petites filles. La plus grande a 10 ans. Et bon, tu sais, les enfants, enfin, tu verras. Enfin, je sais pas. C'est pareil, ils deviennent vite accros, hein, des écrans, des tablettes, etc. Ouais. Mais moi, j'ai toujours insisté. Bon, la maman me suit, ça va, c'est bien. À ce qu'elle fasse du sport, tu vois. Ouais, et est-ce qu'elle. Je pense qu'on peut gérer tout ça. Hein, on peut, on connaît la jeunesse sur les jeux vidéo, c'est sûr, bon, c'est comme ça maintenant, on n'y peut rien, mais je pense qu'on peut gérer sur une journée, entre les études, etc., mais faire du sport, aller voir des spectacles, aller au cinéma, et puis bien sûr, quand même aller jouer sur les vidéos, bon, ça c'est, mais voilà. Oui, mais c'est un mal. Non. C'est vrai que c'est un mal social et qui est souvent, en effet, le fruit d'une éducation ou d'un laxisme peut-être de parents qui baissent les bras, je ne sais pas, ou alors tout simplement c'est dans l'air du temps, donc on suit l'air du temps parce que c'est la fatalité. Oui, et puis la vie moderne fait que aussi, bon, si on parle des parents, on les parents qui travaillent, les enfants, bon, qui sont, enfin, je veux pas dire livrés, mais bon, peut-être qu'ils rentrent de l'école et puis paf, allez, je vais sur le jeu vidéo, je vais sur ma tablette, et puis les parents qui rentrent plus tard, et puis voilà, qui peuvent pas tout non plus, voilà, c'est peut-être aussi C'est vrai. C'est pas évident d'être parent de nos jours, je le vois au quotidien, c'est vrai. Une petite question, Enrico, est-ce que tu aimes le foot? Ah là là, la question, je sais pas, à 1000%, oui. Oui. Ah oui, complètement. Oui, t'aimes bien le foot, d'accord. Alors, je suis archi fan, ancien pratiquant, grand supporter, voilà, tout ce qui va avec, l'archétype. D'accord, donc bien sûr, c'est la Coupe du Monde qui commence, voilà, forcément. Et tu suis, t'as des équipes, que tu suis quelques équipes, enfin bon, il y a l'équipe de France forcément, je pense. Bien sûr, oui. Bon, je pense que tu vas perdre la moitié de ton audimat, mais bon, je suis un grand fan du PSG forcément parce que j'étais dans la capitale, donc. Ça m'a suivi. Ouais, ok. Bon, tu vas suivre quelques matchs, je pense quand même. Tu auras un petit peu le temps de suivre quelques matchs. Oui, selon bien entendu l'emploi du temps qui est un peu chargé, je l'avoue en ce moment. Mais oui, bien sûr, tout à fait. Oui. Je vais m'octroyer sûrement, oui, en effet, des petits moments de bonheur. Il y a la promotion de l'album, hein, c'est sûr. Il faut. Mais c'est comme je disais dans mon intro, hein, je sais pas si tu as entendu, je parlais de foot, je me dis, mais qu'est-ce que je fais à la radio? Mais non, je plaisante, parce que j'aime bien toujours avoir un petit peu d'humour. Je plaisante parce que même s'il y avait eu un grand match, etc., voilà, bon, on est là, hein, c'était pas péjoratif, Enrico. Non, bien sûr. Je pense que comme pour moi, la chanson, c'est une grande passion pour toi d'être sur les ondes. Ah bah effectivement, bien sûr. Ah. Moi, j'adore le foot, mais bon, je laisserai pas passer mon émission, enfin les émissions que je fais sur la radio, forcément. Hein, mais c'est sûr. Alors j'ai un autre petit message. Ghislaine Moutonnet. Ah oui, Ghislaine. Alors Ghislaine met le top à un immense talent, Enrico. Ah oui. Voilà. Je l'embrasse aussi bien fort parce que c'est pareil, ça fait partie des suiveuses un peu que j'ai sur les réseaux sociaux. Et, oui, bien sûr. Oui. Et voilà, mais c'est à travers plein de petits messages, c'est vrai. C'est de la force en fait qui est donnée au quotidien et j'attends pas plus en fait que ça, et rien que ça pour moi c'est un moteur, enfin c'est l'essence même de mon moteur, quoi. C'est vrai, bien sûr. Oui, ça fait du bien, c'est vrai que quand tu as du monde comme ça derrière toi, et c'est formidable. Je veux dire, ça booste, ça, c'est du bonheur, quoi. Voilà, ouais. Tout simplement. Ah ouais. Voilà. C'est voilà, il leur faut peu pour être heureux, hein, disait l'autre. Hein. Donc quelque part, c'est la réalité. Hein. On le voit. Hein. Bien sûr. Quelques mots, quelques soutiens, du partage. Et voilà. Voilà, ouais. Et puis la musique, c'est tellement bon. La musique, c'est tellement bien. Ah. On est bien d'accord. Voilà. Alors donc 16h31. Voilà, donc vous êtes sur le 107 FM, Radio Guémozo, avec notre invité aujourd'hui, Enrico Palmieri. Voilà. Alors, je vais faire juste un petit aparté, Enrico. Oui. C'est pour mon amie, animatrice Lou. Oui. Donc, qui a reçu hier soir dans son émission L'heure des loups. Mmh. Voilà, qui a reçu donc un groupe, c'est ça je crois, Marc, oui je pense, un groupe. Oui, c'est un groupe. C'est un groupe, hein, c'est ça, voilà. Donc je ne donnerai pas le nom. Alors c'est juste qu'il y a quelques EP. Tu peux donner le nom ? Non, je ne vais pas donner le nom, il faudra que les... parce que je vais poser une question. Donc c'est un petit EP que je vous fais gagner, enfin il y en a 8. 8 EP. Voilà, donc si vous avez suivi l'émission de Lou hier soir dans l'heure des loups, vous mettez un petit message sur la page Facebook de notre radio et vous avez ces EP à gagner. Voilà, je retrouve Enrico. On s'entraide, hein, entre... Oh, oui, voilà, je leur souhaite une bonne route aussi, donc à ce groupe. Entre collègues. Voilà, merci. Alors, on va écouter, là j'ai bien aimé aussi cette chanson, Enrico. Lettre aux anges. Ah, oui. Ah oui. Voilà. Oui. Tu veux dire un petit mot avant, peut-être? Oui, écoute, avec plaisir. Écoute, celle-là est particulière à mes yeux, parce que c'est tout simplement lettre aux anges. Les anges, sur cette chanson, ce sont mes enfants. Mes enfants, oui. Là, c'est la petite touche particulière, en effet, d'un papa. Et, oui. Et voilà, je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est vrai, avec de belles paroles, on va laisser écouter à nos auditeurs, nos auditrices. Voilà, lettre aux anges. Merci. Un sourire et un premier regard échangé, cette découverte, cette façon de s'apprivoiser. Face à moi ce petit ange attendrissant, ce cadeau du ciel, le sang de mon sang. Cette petite fille dont je suis fier, qui m'a fait découvrir le bonheur d'être père. Pas plus de valeur à mes yeux que d'entendre de ta bouche ton premier heureux, tes premiers pas sur le chemin de la vie, où ton doudou est le plus fidèle des amis. Deuxième bonheur arrivé dans ma vie, le choix du roi, je suis servi. Petit bonhomme, je te tiendrai la main en te racontant le début de notre histoire sans fin. D'inventer des aventures folles que tu croiras, l'histoire rêvée où le héros sera toi. fidèle des amis aimés. Je vous inventerai des mots le soir. Papa est le plus fort. Les monstres disparaissent dans le noir. Conquérir de grands châteaux forts. Dans mon cœur, vous faites la paix. Moi l'être aux anges, l'être aux anges, l'être aux anges, l'être aux aux anges. Une belle chanson, Enrico. Merci. Merci. Ouais, non, mais c'est... Quand je l'écoutais, ça a fait... comment je veux dire... c'est comme je disais au début, hein, c'est tout en sensibilité, enfin, je pense comme ça. Hein, c'est... Donc, cette chanson est destinée à... Tu as des enfants, enfin, je ne veux pas être trop indiscret, je veux dire... Ah non, mais absolument pas. J'ai pas de tabou par rapport à ça, bien au contraire. Oui, j'ai deux enfants, ouais. Une fille et un garçon. Une fille et un garçon, d'accord. Voilà. Donc, bien sûr, là, c'est le papa qui parle, hein, dans cette chanson. Voilà, ouais, oui, parce que, je rendais hommage un peu au cadeau qu'on m'avait fait, en effet, d'avoir ces deux merveilleux... petit bout, et je voulais je voulais leur laisser une petite trace de ce que je pensais, si jamais ils avaient un doute. Bien sûr, oui, c'est très bien. Alors, c'est des petits anges ou des petits garnements? Ah, ça dépend des heures. Hein. Ça dépend, oui. Ça. Non, dans l'ensemble, je suis assez gâté, c'est deux petits merveilles. C'est bien. Et leur prénom, on peut dire leur prénom? Oui, c'est la connotation italienne, forcément, ouais. Je suis un peu celui du papa. Ouais. Ma fille, la grande, donc, s'appelle Chiara, et mon fils s'appelle Giovanni. Ah, d'accord, c'est des beaux prénoms. Voilà. Ça fait des beaux prénoms. Alors, j'ai un autre message, Enrico. Oui. Donc là, c'est un message d'une amie animatrice, Mado, qui officie sur Radio Puisalène dans l'Oise. D'accord. Elle me dit, ouais. Ben, on se suit, tu sais, enfin, on se suit. Oui. Je veux dire, on écoute chacun un peu ses émissions, tu sais, puis on parlait tout à l'heure un petit peu des réseaux sociaux, et c'est vrai qu'on est une petite famille, tu vois, enfin, ouais, je dirais une petite famille, avec quelques animateurs où on se connaît, et bien sûr, quand on rencontre un artiste, ben voilà, on écoute et on se dit, tiens, ben voilà, j'ai eu tel artiste, et voilà, donc Mado me dit, coucou mon petit Gilou, bien Enrico, très belle voix, une chanson vraie, avec de belles paroles, un artiste comme je les aime. Bisous à vous deux, sans oublier Marc à la technique. Ah bah c'est adorable. Voilà. Bisous alors à Mado, et puis oui, bah bonjour aussi à Marc, c'est vrai que je l'ai pas salué tout à l'heure, pardon. Bonjour, et puis bonjour, bisous Marc. À Mado. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, Mado qui nous suit tous les jeudis, enfin elle essaye, comme moi j'essaye de suivre ses émissions, tu vois. C'est ça. Sympa, c'est bien. Hein. Ah oui, ouais. ça c'est bien. Je veux dire, on a fait tous les deux des belles rencontres hein, d'artistes et on a pu, voilà, de beaux partages aussi avec tout le monde. Ça, je trouve que c'est formidable aussi, c'est bien. Alors voilà, un grand bonjour en tout cas à Mado et puis bah, merci pour. Voilà, de toute façon, donc elle est à l'antenne, elle écoute, il n'y a pas de problème. Super. Voilà. Alors Enrico, donc cet album donc qui est tout frais, hein, c'est. Oui, ah, il y a quelques jours. Il y a quelques jours, voilà. Je viens de mettre au monde il y a quelques jours seulement. Ouais. Donc il y a un clip aussi, je crois. Oui, hein, il y a un clip, le premier ça a été sur Tu me manques, donc la première chanson on a fait. La première chanson, ouais. Qu'on a fait passer aux auditeurs, et puis un deuxième clip là que je viens de tourner ce week-end, sur la chanson qui s'appelle Caliente, et ce clip a été fait avec Jessica Herrero, connue de la télé-réalité des Marseillais, voilà, télé-réalité qui passe en ce moment sur une chaîne. Et voilà, donc j'ai eu la chance parce que c'est une fille qui, au-delà de cette étiquette télé-réalité qui peut être bizarrement comprise, c'est une excellente comédienne et c'est une encore plus excellente danseuse. Donc c'était vraiment un plaisir de partager ce petit moment avec elle. Bien sûr, oui, et puis sur une chanson qu'on va écouter hein, dans quelques instants, Caliente, ouais. où c'est un peu rythmé aussi, hein, je trouve. On part un petit peu sur du rythme latino. En espérant que ça fasse venir le soleil et l'été. Bien sûr, espérons, bien sûr. voilà, autrement, il y a des projets de scène, Enrico, essentiellement le sud-ouest. J'ai une date déjà d'arrêter le premier samedi du mois d'août. À côté de Marseille, à Aubagne exactement. Ah oui, Aubagne. Voilà. Je profite pour saluer un ami artiste. Excuse-moi, Enrico. C'est le nom. Donc Aubagne. Donc c'est mon ami Georges Deville, qui est un artiste aussi. Georges, qui chante les chansons de Salvatore Adamo. Si toutefois il nous écoute, je lui fais un petit coucou. Et sinon, il y aura le podcast, bien sûr. Qui sera en ligne plus tard. Bonjour à Georges. Voilà. Donc je disais, alors oui, on parlait de scène, donc je t'ai coupé, excuse-moi, Enrico. Oui, donc tout est en train d'être finalement actualisé là, donc débattu, parlé, négocié, voilà, tout ça quoi. Bien sûr. Donc pour l'instant, voilà, j'ai pas encore d'autres dates fermes définitives, mais il va y en avoir en effet un certain nombre. Ce que je peux éventuellement proposer, ce serait aux auditeurs qui le veulent, me suivre sur la page Facebook Enrico Palmieri, et dessus, en général, je mets en temps et en heure toutes les dates assurées, en effet, pour ceux qui veulent éventuellement venir me voir chanter. D'accord, et puis donc je vais te dire aussi où on peut trouver ton CD. Oui, c'est pareil. Va être placé dans différentes unités commerciales. Tout est en train d'être discuté, donc là pour l'instant je les ai physiquement, c'est déjà une bonne chose. Et donc là je suis en train de voir en effet pour les placements, les différents placements en effet dans des. Là par exemple la date que j'ai sur Aubagne, c'est dans un Cultura. Je cherche une caisse, notamment sur celui d'Aubagne pour pouvoir le proposer sur ce secteur en effet des Bouches-du-Rhône. D'accord. Mais bon, je dis toujours aussi c'est bien l'album physique. Oui. Je ne sais pas ce que tu en penses. Enfin, d'avoir l'album physique, c'est d'un artiste. Moi, je trouve que c'est bien. Alors, parce qu'on a l'impression qu'on dématérialise un petit peu tout. Pour l'aspect visuel, l'aspect un petit peu souvenir, je trouve ça bien aussi. Je suis assez d'accord avec toi, Gilles. C'est de l'ancienne école, hein, qu'est-ce que je te dise. Mais... oui, mais non, mais moi, je suis encore d'une plus ancienne école. Non, c'est vrai, je dis toujours, c'est vrai que bon. Comme je dis avec ma collègue Mado, c'est vrai, on se dit toujours, on répète un petit peu radio, mais c'est vrai que, bon, moi j'ai connu l'époque des vinyles qui reviennent quand même pas mal. Oui, mais de plus en plus, oui. Hein, ça revient de plus en plus. C'était quand même des beaux objets. Oui. Hein, avec une belle pochette, enfin voilà. des belles photos avec des fois les textes des chansons, avec le nom des auteurs-compositeurs, avec c'est quelque chose de je trouve toujours d'ailleurs que c'est quelque chose de bien. Bon. Oui, complètement. Et puis c'était le début de l'industrie de la musique, quoi. Donc finalement c'était le démarrage de tout. Bien sûr. Alors je dis souvent peut-être maintenant, c'est la technologie maintenant. Enfin, je veux dire, on télécharge. Alors moi j'ai rien contre, hein. Je veux dire contre les téléchargements. On a ça dans son smartphone Mais bon, moi j'ai cette réaction-là. C'est vrai. Je veux dire, quand j'aime un artiste, j'aime bien avoir l'album, quoi. Je veux dire, maintenant. J'ai lu sur un magazine, je veux dire, le streaming passe au-dessus même du téléchargement. Oui. Beaucoup de gens, je ne veux pas dire les jeunes, je connais des jeunes qui achètent des vinyles, hein, mais oui, je pense que ça touche quand même une jeune génération, et le streaming passe au-dessus même du téléchargement. Oui, alors, c'est du direct, donc forcément c'est plus simple déjà d'accès. Bon, après, c'est sûr, c'est une autre époque, moi je veux dire, je serais plus collector, quoi, forcément. Alors je te rassure, moi j'ai discuté justement un petit peu avec des personnes qui représentent l'industrie du disque. Je pense qu'on va revenir à ce format de plus en plus de possession physique, en effet, des objets. On revient à ça, en tout cas. On revient à ça, oui. Alors, tout à l'heure, quand j'ai fait le petit aparté pour ce groupe dont les auditeurs peuvent gagner cette EP. Et donc dans l'émission de mon ami Lou, et ils ont même refait cette EP, mais en cassette audio, tu vois. Ah oui. Ah bon, c'était pour la petite anecdote, puisqu'on est en train de parler de ça. Ils ont même refait la cassette audio avec leurs 5 titres qui est sur leur EP, quoi, voilà. De toute façon, tout le côté vintage, c'est quelque chose qui est en train de revenir de plus en plus. C'est vrai que ça revient. Dans les mœurs. Ça revient fort, ouais, tout à fait. Alors, Enrico, là, on va écouter cette chanson, là, Caliente. Oui. Voilà, on va voir si le soleil arrive, mais il n'y a pas de doute, ça va venir. J'espère, je n'ai pas de vertu de magicien, mais bon, ma foi. Ouais. Mais de toute façon, c'est du soleil sur nos ondes. Ça, c'est bien. Et pour nos auditeurs, nos auditrices. Allez. On écoute. Parfait. Latino dans ce bar, une main touchée, un regard, ton parfum arrivant jusqu'à moi, le garder sur ma peau des fois, ces courbes dessinées au crayon, cette chute de rein, moi je fonds, mi corazón ondule devant moi, guide-moi, dicte-moi ta loi. Oh, caliente, caliente. La chaleur s'empare de mon corps. Caliente, caliente. La fougue monte un peu plus encore. Nos ralentis ne pressent pas le pas. Crois-moi que la nuit est à toi. Oublie le reste autour de toi. Cette soirée tu ne l'oublieras pas. Ton bassin reste collé au mien. Suis le rythme de mes mains. Même si le regard des autres insiste, nous sommes seuls sur la piste. Oh, caliente, caliente. Oh, la chaleur s'empare de ton corps. Oh, caliente, caliente. Oh, la fougue monte un peu plus encore. Caliente, le feu surgit en moi. Suavemente, danse encore une fois. Caliente, suis ce rythme de salsa. Suavemente, colle-toi contre moi. Suavemente. Si, papa. Caliente, caliente. monte un peu plus encore. Caliente, caliente. Je n'attendrai plus que ça. Caliente, caliente. De finir la nuit avec toi. Wow. Caliente. Eh ben voilà. Ça c'est bien. Ça bouge. Ah oui, c'est non, mais c'est bien. Je veux dire, tu sais, pour revenir un petit peu les années passées, il y avait toujours chaque année dans l'été le tube de l'été. Oui. Un style, par exemple, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y en a eu plein. Oui, il y avait la Macarena. La Macarena, il y a eu voilà tout ça, tout ce genre. Lambada. Lambada, oui, oui, tout ça. C'est chaque année, on avait notre. Ben, non, mais je trouve que cette chanson là est bien rythmée et ça. Voilà, ça pourrait faire un, ça pourrait faire une belle chanson pour l'été et voilà quoi. Eh ben ma foi, si on pouvait t'entendre. Bah ma foi, voilà, j'espère. Non mais c'est bien, c'est vrai que moi j'aime bien ce mélange un petit peu de sur ton album de chansons plus douces, plus sensibles, on va dire. Mm-hmm. Et puis ces chansons un petit peu comme Couleur qu'on a entendu tout à l'heure, qui a un petit soupçon de reggae. Et ce titre-là, Caliente, voilà, c'est bien. Oui, j'ai vraiment voulu plein d'horizons. C'est ce que j'ai demandé en effet au compositeur. Oui. Je voulais pas m'arrêter, ancré, être catalogué sur quelque chose chanteur, crooner, enfin je sais pas cette catégorie-là. Je voulais vraiment faire plein de choses. Il y a une chanson qui est un peu plus rock aussi, qui s'appelle Merci. Il y a, oui. Une autre chanson qui est plus côté R&B, un peu soul, où il y a une petite rythmique qui est un peu soutenue derrière, qui est Le Voyage. Ouais. Voilà, c'est j'ai vraiment voulu un éventail. Et pour le coup, sincèrement, j'ai été servi et j'ai vraiment eu beaucoup de chance qu'ils écoutent un peu mes envies. Oui, bien sûr, ouais, c'était un travail, bien sûr, un travail avec, comment je dirais, tous ensemble, là, avec des idées peut-être, avec tes idées à toi, et puis voilà. C'était collégial en effet, et puis ouais. Bon, moi quand je partais dans un sens qui était complètement farfelu, il me remettait sur le droit chemin très rapidement, donc là c'était bien. Ouais. Voilà, non mais dans l'ensemble on a été très vite en connexion, et puis hier en osmose, enfin c'était vraiment une collaboration artistique en tout cas, topissime. Bien sûr, oui, et puis ça fait de belles choses, et pour avoir reçu pas mal d'artistes, beaucoup travaillent comme ça. Mmh, hein, oui. Plutôt vrai. Que de travailler tout seul dans son coin, enfin je sais pas, mais et c'est c'est pas grave. Voilà. Et donc Marc, il était parti pour nous remettre la caliente. Non, c'est pas grave. Ça prouve que nous sommes en direct. Hein. Nous sommes en direct. Hein. Non, non, on mais passera ça au montage, d'accord. On fait comme ouais, ça. Ouais. Autrement, Enrico, est-ce qu'on peut te qualifier de chanteur romantique, de chanteur de charme? Alors, j'aime chanter des chansons plus douces. C'est vrai, oui. C'est vraiment quelque chose où je prends vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Mais c'est pour ça que j'ai voulu varier un petit peu justement les plaisirs sur cet album-là. Je voulais pas qu'on me laisse uniquement dans cette case-là. On te catalogue, Voilà. Mm-hmm. Il peut pas faire autre chose. Donc voilà, je voulais modestement essayer de proposer justement un petit peu d'autres rythmiques, d'autres orientations, d'autres airs, et puis voilà, surtout pas rester dans cette case-là. D'accord. Alors autrement, il y avait toutes ces chansons-là, il y avait d'autres chansons, enfin je dirais dans le tiroir, comme on dit des fois, il y a 10 chansons sur cet album. C'est ça, 10. On est bien d'accord. Non, ça a été vraiment les 10 que j'ai écrits, pour le coup, qui a matché pour les, j'entends, pour les musiciens, donc ils voulaient travailler sur ces 10 textes-là. Les 10 textes, d'accord. Donc j'ai eu de la chance, et que j'ai pas eu... à retoucher quoi que ce soit. Bon, après, c'est moi, après, à l'écoute, où j'ai modifié, changé 2-3 petits mots, 2-3 petits sens de phrase. Ils s'arrachaient d'ailleurs les cheveux, les pauvres. Mais bon, eux ont cette chance-là de pouvoir le faire, voilà, moi, un peu moins. Ouais. Mais bon, voilà, donc c'est... Non, mais c'est génial, parce que, justement, j'apportais une idée de base, confectionner autour de ça, et puis après la finalité on la faisait ensemble, et c'était vraiment un échange dans un beau travail de groupe, tout ça. Ouais. Et Enrico, comment tu écris, à quel moment tu écris ou dans quelle disposition tu es quand tu écris? C'est une très très bonne question. Alors, je vais te répondre très simplement. Ouais. Je suis un très grand insomniaque de nature. Je réfléchis beaucoup trop, oui. Peut-être. Et ce qui fait que j'ai des plages horaires qui me le permettent. Donc, en général, oui, c'est souvent dans la nuit. Mais ouais. C'est là où tu vas me donner un papier, un stylo en plein jour, en plein après-midi, j'arriverai à absolument rien, clairement. Par contre, il y a une espèce d'ambiance dans la nuit, une espèce de solitude, une atmosphère qui fait que la nuit, par contre, j'ai une inspiration qui est tout autre. Oui. Et ça a coulé de source, quoi. J'ai pas eu la sensation justement de la peur du vide sur un texte, de la peur de ne pas finir. Enfin, c'est vraiment venu tout seul. Et alors que j'ai essayé justement d'écrire un jour en plein après-midi, alors là, par contre, ça a été un grand moment de solitude, mais là pour le d'accord, coup. D'accord, ouais. c'est calme, et puis la quiétude de la nuit, je veux dire, voilà, ce calme, cette atmosphère de vraiment de solitude pour le coup, mm-hmm. Ça a été hyper inspirant pour moi sur bon nombre de textes et voilà. Alors je vais te dire hein, tout bête, hein, je me mets un casque, je vais te raconter la petite anecdote quand même comment j'écris. Bien sûr. Je me mets un casque, je me mets des musiques, tu sais, relaxantes. Ah oui, d'accord. De rivière. Je suis parti dans un délire assez dans le temps, c'était très, très drôle. Il fallait pas mettre une caméra parce que je pense que j'en aurais effrayé quelques-uns, mais voilà. Et en fait, là-dedans, en fermant les yeux, des choses me venaient un petit peu tout seul. Et à partir du moment où j'avais le thème, en fait, c'était ça le plus dur. En fait, c'était vraiment de trouver le thème, sur quoi je voulais écrire, qu'est-ce que je voulais raconter. À partir du moment où j'avais mon histoire de base, tout s'est brodé autour vraiment très très facilement. D'accord, oui. Donc on en a parlé, chansons autobiographiques, bien sûr. Pour beaucoup, oui. Pour beaucoup, et puis peut-être quelques-unes où tu t'es inspiré un petit peu du monde dans lequel on vit. Hein, je crois dans une de tes chansons, tu me diras si je me trompe Enrico, hein, dans une des chansons qui s'intitule « Égoïste ». Ah, ben voilà, oui. Hein, par exemple, dedans, là, c'est. Je crois ça. Que, hein, on est en plein dedans, là, hein, c'est vrai que. Mais ça rejoint un peu, finalement, c'est la continuité de la chanson Couleur quand tu regardes bien. Ouais, ouais, ouais. Après avoir parlé de la nostalgie d'un temps passé, j'analyse en fait un temps présent, et c'est vrai que, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure en préambule. C'est. Malheureusement, aujourd'hui, chacun regarde un petit peu son nombril et. Oui, oui. Et sans trop faire attention, en effet, à son voisin. À son voisin, oui, tout ça, voilà. Ça, c'est vrai, oui. Oui. Malheureusement, c'est vrai, ouais. Alors là, on va peut-être partir. Alors, donc, avec ce titre, mm-hmm. Le voyage. Et puis, on en reparle. Allez. J'ai percé l'estrade, versé le soleil. 6h du matin, je n'ai plus sommeil. L'heure du départ approche à grands pas. J'ai du mal à me décoller de toi. Les enfants dans ton corps à poings fermés. Juste une envie, celle de les embrasser. Pour ne pas les réveiller, pourrais-tu t'en charger? Les yeux humides, je décide de m'en aller. Bientôt démarrer pour chercher cette vie tant espérée. Je vais vous offrir cette liberté. Ces plaines verdoyantes et vallonnées. Le grand voyage va bientôt démarrer. Avec ses souliers déchirés, dans la lourdeur des chaudes journées d'été, je ne céderai pas, je vous l'ai promis, quitte au final à y laisser ma vie. La frontière tant espérée, enfin franchie, le regard noir, l'accueil froid des gens d'ici. Ils me disent que je viens pour manger leur pain, alors que notre survie sera mon seul gain. Le grand voyage va bientôt démarrer. s'offrir cette liberté, ce plein de verdoyante et vallonnée. Le grand voyage va bientôt démarrer. Arrivederci all'aria familia, je vous promets de revenir vous chercher là. El mio cuore esce una lacrima, c'est une vie meilleure qui s'offrira. Le grand voyage va bientôt démarrer. Pour chercher cette vie tant désespérée, je vais vous offrir cette liberté. C'est plein. Là où la guerre n'est pas venue tout emporter, le grand voyage. Le grand voyage. Un lieu pour survivre sans danger. Là où la guerre n'est pas venue tout emporter. Voilà, Le Voyage, donc titre de l'album À cœur ouvert de Enrico Palmieri, qui est sur nos ondes Radio Gemozo et dans les années bonheur cet après-midi. J'ai dit Le Voyage, Enrico, je me suis pas trompé parce que... Non, c'était bien ça. En fait, on a parlé juste avant de la chanson Égoïste, mais là, on a passé en effet le Voyage qui traite en effet un tout autre sujet. Voilà, ça parle grosso modo un peu de... Pour être clair, de l'immigration, de mes grands-parents et mes parents qui sont arrivés en France. D'accord, ok. Voilà. Ouais. D'accord, oui, excuse-moi. Non, mais voilà, donc pour agrémenter un petit peu tout ça, voilà, bon, ils sont arrivés, en effet, la chanson est assez explicite par rapport à ça, après-guerre, voilà, comme beaucoup d'immigrés qui sont arrivés en France dans les années 60. Donc chercher une vie meilleure, donc c'est un petit hommage en effet que je leur rends à travers cette chanson, parce que grâce à eux je suis là aujourd'hui et je peux vous parler. Bien sûr, voilà, et puis bon, c'est quelque chose de beau, je veux dire, hein, c'est comme ça restera gravé, hein, comme l'être aux anges, hein, qu'on a entendu tout à l'heure, hein, pour tes enfants, et puis voilà, ça... je voulais te demander, Enrico, quel est le ressenti dans ton entourage familial, je veux dire, par rapport à cette carrière, enfin, le ressenti, les gens, comme je te dis tout à l'heure, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir des gens qui suivent, qui croient en effet pas mal en... Je voulais dire la famille proche. Oui, la famille, pareil, forcément, il y a beaucoup de fierté de la part de mes parents, au sein même de ma propre petite famille à la maison, c'est pareil, les amis, proches, j'ai beaucoup de personnes qui me poussent, qui me demandent de continuer dans cette voie, j'ai beaucoup de témoignages aussi de personnes à qui les textes parlent finalement, fait de pouvoir toucher les gens comme ça, c'est assez fort. C'est vrai que c'est très fort, parce que fort en émotion, hein, j'entends, parce que c'est des morceaux de vie que je livre comme ça, c'est moi, c'est un peu égoïste, c'est mon histoire. Je pense que tout le monde peut un peu se reconnaître dans tes textes. Ça peut toucher beaucoup de monde. Oui, parce que je suis un peu monsieur tout le monde, en fait, finalement. C'est ça. Hein, j'ai pas la prétention d'être quelqu'un d'autre, finalement, que monsieur tout le monde. Voilà. Et je suis content que les gens, en effet, se retrouvent un petit peu au travers de ces textes et que j'arrive à toucher des gens. J'ai mis des témoignages de personnes en pleurs. C'est très, très gratifiant et très touchant. Oui, bien sûr, je comprends bien, toutes ces personnes-là qui suivent, hein, c'est vrai que c'est bien, voilà. Ouais. Donc, après... C'est vrai. Oui. Autrement, donc, oui, bon, on a parlé, donc, on a parlé de scène, tout ça, d'autres projets. Bon, il faut laisser le bébé mûrir, comme on va dire. L'album, voilà. Bien sûr. Pour l'instant, voilà, je mise beaucoup sur la promotion de ce dernier. Et puis là, donc, j'ai une grande présentation où, en effet, je vais faire un concert où je vais proposer donc cet album-là sur scène, où j'aurai des invités. Donc, oui. Une Agnieszka qui a fait la finale de La France, un incroyable talent. Oui. Il y a 3 ou 4 ans de cela, je n'ai plus l'année précise, qu'elle me pardonne si elle m'écoute, je l'embrasse aussi très fort. Oui. Voilà, avec laquelle donc j'avais fait un duo à l'époque, c'était une reprise, et qui me fait l'amitié d'être là également pour cette présentation. Donc voilà, pour l'instant je me contente, c'est vrai, juste à ça, parce que je n'en sais pas plus. Oui, bien sûr. Voilà. Puis il faut pas trop non plus trop s'égarer, enfin s'égarer, mais je veux dire vouloir faire trop de choses, hein. Déjà savoir ce que cet album va apporter et va donner, quoi, je veux dire. Hein, générer, oui, succès. Tout à fait. Ah, non, c'est vrai, après, bon, il y a des choses dans les tuyaux. Bon, je suis un petit peu superstitieux comme garçon, on va dire ça comme ça. Et oui. Bon, tant que c'est pas officiel, et tant que oui, c'est pas signé, comme dirait l'autre. Bon, voilà, mais vraiment, j'invite vraiment tout le monde à me suivre sur les réseaux sociaux. En temps et en heure, je mets vraiment toutes les informations sur mes activités diverses et variées. Bien sûr, et puis voilà, donc nos auditeurs, auditrices de notre belle région, oui, les Vosges. Je ne connais pas encore d'ailleurs. Tu ne connais pas. Je passerai vous voir à C4 quand même. Ah bah oui, il faudrait venir. Je veux dire, avec plaisir. Que tu ne connais pas, c'est une belle région, hein, les Vosges. Voilà, on est les Vosges dans le Grand Est, pour oui. Préciser. Hein, c'est vrai que oui, c'est bien, il faut venir. À l'occasion, mais ah, on ne sait jamais l'occasion. Oui, peut-être pour un futur projet, venir en live, voilà, c'est. Eh ben, avec grand plaisir. Ah, voilà. Que... J'en prends bonne note. Non, moi, je prends plaisir aussi de te recevoir aujourd'hui dans cette émission, parce que voilà. Nous, animateurs radio, on fait de belles découvertes. Mm-hmm. C'est vrai, hein, bon. Ça m'est arrivé d'avoir des artistes que je connaissais, bien sûr. Mais voilà, c'est toujours un plaisir quand même de découvrir de nouveaux talents. Hein, c'est, il faut le dire, de nouveaux artistes avec voilà. C'est un plaisir pour nous animateurs et comme je veux dire, on est là pour tous les artistes. Hein, merci, voilà. Mais, merci surtout à vous de pouvoir rendre possible ces interviews, ces passages radio. Ouais. On vous doit beaucoup et je pense que tout artiste s'en rencontre. Bien sûr, oui. Non, mais alors, bon, je dis pas ça. Hein, c'est pas pour me faire me faire mousser. Hein. Non, mais je veux dire, c'est vrai que voilà, c'est un plaisir pour nous. Puis c'est un retour aussi, je veux dire, c'est un retour pour nous animateurs, hein, ouais. De voir de beaux partages comme ça. Ouais, j'aime bien, je le dis souvent, et souvent après on reste en contact, on reste amis. Moi, ouais, je veux dire, pour la plupart des artistes que j'ai reçus en live ou bien par téléphone. Pour être très franc, je pense que ça ne doit pas être très très difficile avec quelqu'un comme toi de rester écoute, en contact. Moi, j'essaye. J'essaye. Enfin, voilà, mais ça se passe toujours bien. Enfin, voilà, je fais toujours en sorte. Et puis, apporter un peu aussi toujours de la bonne humeur, j'aime bien. On parle bien sûr sérieusement aussi, mais j'aime bien aussi que ça soit, voilà, que ça soit sympathique et tout. Ouais, mais c'est le cas, c'est un bon moment que je passe avec vous tous. Merci Enrico, c'est pareil pour nous. Alors on va écouter une autre chanson, donc merci, on vient de le dire. Oui. Donc on écoute Merci, voilà. Très bien. Seul dans ma chambre à gratter mes premières notes. Où ces premiers échanges musicaux entre pattes. Cette première fois montée sur scène devant vous. Trouille au ventre, j'ai le cœur mais sans un sou. Les étoiles dans vos yeux à l'écoute d'un accord. Jouis des heures pour vous qui m'en réclamer encore. J'ai comme pour sa religion la musique. Le son envoûtant d'une guitare électrique. voyage avec vous, je vous dis merci. Micro en main, sueur au front, le corps tremblant. Ces premiers sons qui sortent en public hésitant. Certains disaient la chanson n'est pas faite pour toi. D'autres me disaient ne lâche rien et bats-toi. Ces premières larmes sur vos joues quand je chantais. Le déclic il m'a dit que cette voie je suivrai. J'ai comme pour seule religion la chanson. Le son des voix chantant à l'unisson. Des feuilles blanches à remplir toute la nuit. Que je partage avec vous, je vous dis merci. Merci, merci. Chanter devant les salles feutrées ou remplies. Jouer de la musique pour vous, aiguiller vos vies. Voilà ce qui nous motive et nous rend heureux. Vous voir danser, chanter, oublier vos soucis. Juste un peu. On a comme ça religion la musique. Le son envoûtant d'une guitare acoustique. Concert déroutant jusqu'au bout de la nuit. Qu'on partage avec vous, on vous dit merci, merci. On a comme ça religion la chanson. De faire vibrer des notes notre tradition. Des feuilles blanches à remplir toute la nuit. Qu'on partage avec vous, on vous dit merci, merci. Merci, merci. Voilà, merci. Alors voilà une chanson plus rock, hein, Enrico. C'est ça, c'est un mélange. voilà. Marc, je pense qu'il a été perturbé par le petit bisou de Mado, je crois. Ah, ça peut troubler, je peux le comprendre. Ça peut. Non, non. Oui, donc merci. Oui, qui est un peu plus rock. Plus rock, hein, plus ouais. Rock, funk, un petit peu aussi sur certains. À certains rythmes derrière. Oui. Donc ça, c'est une chanson qui est chantée d'ailleurs en duo avec Christophe Bosch, justement, donc ouais. Bassiste de Michael Jones, qui aussi fait les chœurs sur ses concerts. Ouais. Donc un excellent chanteur, en plus d'être un très bon musicien. Enfin, ce monsieur a beaucoup de cordes. Voilà, c'est marqué. D'accord. Alors, il accompagne toujours Michael Jones. Oui, toujours, hein, oui, oui. Parce que j'ai eu l'occasion de le voir, Michael Jones, donc en concert à Épinal, oui. Donc, qui est à 25 km de chez nous. Hein. Oui, oui. Donc c'était pour la nuit américaine, ils font ça tous les ans à Épinal. Et c'est vrai que j'avais vu dans l'orchestre quelqu'un qui chantait avec Michael Jones. Oui, ben c'est ça, avec des lunettes de soleil, c'est... Ouais, d'accord, ouais, c'est... Mon ami Christophe. D'accord, ouais, tu vois, c'est bien. Et c'est, je veux dire que ça déménageait pas mal, hein. Ouais, avec, non, c'est vrai. Son batteur, qui est toujours le même, je sais, tu l'as vu il y a combien de temps, Michael Jones? Bah, c'était l'année dernière, enfin, c'est toujours au mois de juin, je crois qu'ils font ça sur fin juin. Je sais plus trop, mais je crois que ça fait un an, ça fera un an. Ouais, donc c'était la même équipe. C'était la même équipe. L'équipe qui était sur scène, c'est l'équipe qui a travaillé en effet sur l'élaboration de mon album. Ouais. D'accord. Alors, autre petite question, Enrico, est-ce que toi tu joues d'un instrument? Absolument pas. D'accord. Alors, bon, absolument pas. Alors, comme moi. J'ai l'oreille musicale vocalement, quand je chante sans aucune difficulté, mais mon Dieu, reporter ça sur un instrument, c'est une catastrophe, clairement. D'accord. Moi, tu sais, c'est pareil. Alors bon, je suis pas là pour parler de moi, mais des fois, il faut que je livre une petite anecdote comme ça. J'ai fait deux petits EP comme ça, voilà, pour me faire plaisir, pour la passion, voilà, tu vois, chanson romantique. Et puis, j'ai toujours eu le regret de ne pas avoir joué d'un instrument, et de musique, bien sûr. Voilà, tu vois, bon, je reviens à parler un petit peu des années ados, tout ça. J'avais ma famille parents, on avait gagné un petit accordéon, mais c'était un vrai accordéon, quoi, à la fête de Miremont, il faut pas très mal. Et il y avait un musicien qui habitait près de chez moi, puis il m'a dit, écoute Gilles, je t'apprendrai le solfège. Bah, je dis, ouais, ok, je veux bien. Puis bon, bah, j'étais déjà dans le sport, je joue au foot, je faisais du vélo. Voilà. Et puis après, bon, bah, tout bien, il y avait l'école, bien sûr, aussi, hein, ici, puis les copines. Et voilà. On en revient toujours à la même chose. Alors, ben oui, voilà, c'est ça. Et puis, alors, c'est vrai, après, j'ai regretté parce que. Puis, les temps derniers, je ne veux peut-être pas reciter parce qu'il ne faut pas qu'on fasse de pub. Mais je suis passé dans un grand magasin, ça fait déjà quelques temps. Et je suis tombé, un ukulélé. Ah oui, oui. Tu sais, le petit ukulélé. Oui, puis, ça fait deux, trois fois que je passe devant, puis je me dis, ah. Je sais pas, c'est toi, j'ai eu le coup de foudre, je sais pas. Ah, voilà, il t'appelait, mais, c'est ça. Oui, il me faisait de l'œil. Alors je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pourrais prendre des cours, tout ça? Bon, mais après, il y a la radio, voilà, il y a des petites chansons aussi, qui, voilà. J'ai, est-ce que j'aurai le temps, tout ça, voilà. Bon, voilà, c'était pour la petite anecdote. Mm-hmm. Donc, ben, je veux dire, on va serrer la main, on joue pas d'un instrument, Enrico, ma foi, voilà. Non, mais... oui, et puis au-delà de ça, enfin moi, vraiment, c'est surtout la passion, je suis quelqu'un qui est hyper, enfin je vais dire hyper actif, c'est le seul mot qui est un petit peu à la mode en ce moment. Ouais, c'est vrai, oui. Voilà, moi il faut que ça envoie de suite, il faut que. Ouais, alors, si j'y arrive pas, mon Dieu. Ouais, je comprends, moi je serais un peu comme toi, je suis pas très patient. Ouais, voilà. Donc dans ceux qui écoutent dans mon entourage, dans mes connaissances, le savent. Je suis pas très patient, alors c'est pareil. Je veux dire, c'est vrai que j'aimerais bien, mais bon voilà, c'est ça prend du temps quand même. Et puis voilà, bon, ouais. On va rester. Non, bon, après j'ai mis ma fille au piano. Par contre, elle se débrouille très très bien. C'est et beau ça. Avec du haut de ses 7 ans, elle m'apprend déjà la vie, en tout cas musicalement parlant. Et c'est génial. Ouais, c'est un beau moment du coup de partage, sûr. Et puis bon, bah voilà, j'ai déjà trouvé mes futurs musiciens, c'est plutôt sympa. Ah bah oui, voilà. Bah tu imagines, dans quelques années, ta fille qui t'accompagne sur scène. Ah, sûrement, oui, bien sûr, ouais, tout à fait, voilà. Alors, il est de quelle heure? 17h17, on a encore le temps d'écouter une autre chanson. Oui. Alors, j'avais choisi, donc on a entendu Merci, c'est ça. Mm-hmm. Et j'avais choisi une autre chanson avant qu'il ne soit trop tard. Ah, ouais. Elle est particulière aussi. Elle est particulière, ouais, je... Oui. J'ai bien senti. La fameuse chanson justement où Michael Jones a participé. Donc il a habillé ce morceau parce qu'il a donné un petit côté justement anglo-saxon musicalement parlant qui se marie à merveille avec le reste de la composition. Celle-là, forcément, au-delà du côté musical de la chanson, il y a le texte, je pense, qui parle à beaucoup de monde. On va laisser découvrir, je pense. Oui, on va l'écouter, Enrico, et puis allez, tu nous en reparles après, hein, bien sûr. Très bien, merci. Je cherche cette étoile qui sur moi veille, celle qui me ferait apparaître juste une fois ton visage. Cette douceur qui me rassurait au fil des âges, ce regard tendre qui m'a vu grandir, pas le mien, sombre de te voir partir. Ce voyage si lointain, dans ce tunnel traversé où je te cherche en vain. Un voyage sans moi sur le quai du départ. J'aurais voulu te parler avant qu'il ne soit trop tard. Tu ne connais rien de ma vie d'or. des enfants ou comme trois pommes quand leurs yeux s'illuminent de te voir. Sur tes photos triées au hasard, ils se demandent sur les clichés qui peut avoir mon visage et être loin d'ici. Ce voyage si lointain, dans ce tunnel traversé où je te cherche en vain. Un voyage sans moi sur le quai du départ. J'aurais voulu te parler avant qu'il ne soit trop tard. Et cet air de mandoline en boue dans ma tête, ce son si différent qui me rappelle ma quête, celle de te promettre une nouvelle fois que sois tranquille ici, on ne t'oublie pas. Parti trop tôt pour ce voyage si lointain, dans ce tunnel traversé où je te cherche en vain. Un voyage sans moi sur le quai du départ. J'aurais voulu te parler avant qu'il ne soit trop tard. J'aurais voulu te parler avant qu'il ne soit trop tard. Qu'il ne soit trop tard. Voilà une chanson, Enrico, qui est, comment je veux dire, ben je te laisse peut-être. Oui, ben parler, c'est voilà, sur c'est, ce texte. C'est quelque chose. C'est, ça a été la deuxième chanson que j'ai écrite d'ailleurs. Juste après Tu me manques. Oui. Quand on m'a proposé donc l'élaboration de cet album. Et en fait. Ça a été beaucoup une thérapie, cet album. C'est vrai que c'est beaucoup de choses qui ne sont pas dites, qui restent enfouies. Et puis bah voilà, là je pense que le texte est assez explicite. Il parle à quelqu'un voilà qui n'est plus là, qui n'est plus là, oui, forcément. Mmh. autour de nous. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que cette chanson là donc à partir du moment où le texte a été écrit, donc ça a été composé là par Jacky Mascarell, donc l'ancien pianiste en effet de Goldman. Et voilà, c'est typiquement l'air de Goldman qu'on retrouve sur cette chanson, et c'est ce qui m'a séduit de suite. Et j'ai trouvé l'alchimie entre toutes les composantes de ce morceau fabuleuse, quoi. Vraiment, ouais, ça a été. Je me suis dit, on commence l'aventure comme ça, ça promet. ouais, de belles choses. Bien sûr, cette chanson, te touche particulièrement. Enfin. C'est notamment pour celle-ci que j'ai eu certains témoignages. Je pense à une amie, Aurélie. Bon, pareil, j'en profite, Gilles, hein, encore une fois. Enrico, vas-y, il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Qui venait de perdre son papy il n'y a pas très très longtemps qui m'a appelé un peu en larmes en me disant merci, parce que du coup, ça me permet d'évacuer un peu la chose. Enfin, j'ai trouvé ça tellement touchant, et je me dis, ben voilà, c'est pour ça que je le fais. C'est ça, en fait, c'est ça que je cherche, c'est ça que je veux créer, c'est cette alchimie, en fait, entre ceux qui écoutent et celui qui crée cette chanson. Les gens comprennent le message que je fais passer, et ça, c'est, enfin, je pense qu'il n'y a pas plus gratifiant que ça. Bien sûr, oui. Alors là, j'ai un petit coucou à te faire, Enrico. Oui. Donc, c'est de la part de Lynn, hein. Oui, alors elle me dit allô à mon petit chef, oui, parce que quand on travaille ensemble, on voilà, c'est pour la bonne humeur, bien sûr, aussi. On s'appelle chef, tu vois, bon, voilà, c'est tout à fait. Faut recontextualiser les choses, c'est très très bien. Elle aura bientôt une médaille. Bon, alors elle me dit bonjour à vous tous de ma belle province, un bonheur pour les oreilles d'avoir Enrico dans l'émission. un beau voyage musical. Bon succès avec son album et une belle continuité dans sa carrière. Voilà. Ah ouais, elle adore, mais je l'embrasse bien fort en tout cas. Mais voilà, donc elle est à l'écoute, Lynn. Voilà. Ben c'est très gentil. Un gros voilà. Ouais. Donc on travaillait ensemble, donc on en avait parlé ensemble. C'est donc c'est Lynn qui m'avait suggéré, hein, puisque le premier contact a été fait donc avec Lynn, et elle me dit oui, écoute voilà, fait. Écoute, voilà, on travaille comme ça. On est très loin. Hein. Elle est au Québec, mm-hmm. Moi je suis là. Mais... Ah oui, en effet. Oui, d'accord. Oui, oui. Ouais, voilà, mais voilà, c'est là d'où les réseaux sociaux aussi. C'est quand on sait bien gérer. Enfin, je veux dire, c'est formidable. Et oui, puis voilà, donc pas d'être aussi compétente malgré. Oui, bien sûr, voilà, tout à fait. Puis elle me dit voilà, j'ai un artiste à te suggérer. Alors voilà, on fait une petite équipe, voilà, et ça s'est fait comme ça. C'est formidable. Ben, c'est super. Ouais. En tout cas, c'est quelqu'un de très agréable, très très très gentil au premier abord, et vraiment l'échange a été, comme avec toi, Gilles. Hein, oui, bien sûr. Été, ouais, je pense que très sympathique. Voilà, on fait une belle équipe comme ça. C'est vrai que voilà, Lynn a beaucoup travaillé sur la page officielle, hein, parce que j'ai une page officielle Gilles Mougel. Oui. Je voulais pas mélanger tout, j'avais ma page Facebook, tu vois. Mm-hmm. Bon, voilà, comme tout le monde, hein. Mais bon, après, je me dis non, il faut que je fasse quelque chose. J'essaye d'être assez carré, tu vois. J'aime pas mélanger la salade avec, je sais pas quoi je veux dire, mais voilà, il faut que ça soit carré. Voilà, je voulais un site uniquement pour la radio et pour mes petites chansons à moi aussi, quoi. Voilà. C'est bien, ouais. Voilà, donc c'est du beau travail. Voilà, Enrico, l'émission touche à sa fin tout doucement, il est 17h26, mm-hmm. Hein, voilà, donc moi je voudrais te dire, écoute, un grand merci. Ben, merci à toi pour l'invitation, enfin à toi, à vous même pour, pour l'invitation, voilà, c'était vraiment très très agréable le moment. Et je me joins donc à Aline pour te souhaiter bon succès à ton album, hein, et puis donc plein de bonnes choses pour la suite. C'est gentil. Je saurais revenir vers vous. écoute, avec plaisir. Je veux dire, on a passé un bon moment, et je voulais te dire bravo pour toutes ces belles chansons, ces beaux textes. Merci, Gilles. Qui nous merci prennent quand même bien. Aussi. Vraiment, c'est agréable. Je veux dire, quand j'ai préparé tout ça, moi, je veux dire, voilà, bon, j'ai tout écouté, bien sûr. Et puis après, bon, comme je te disais tout à l'heure, hein, un peu plus tôt, je fais un petit choix. Voilà, Mais c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable. Alors, je signale juste, tu sais, le podcast sera mis sur la page de la radio, sur notre page officielle de la radio. Bon, je repartagerai, et puis tu pourras voir, donc voilà, pour toutes les personnes, de nombreuses personnes, hein, qui te suivent, et c'est très bien. Tu pourras repartager ça, voilà. Avec grand plaisir. Eh bien, écoute, Enrico, merci beaucoup encore. Et bien sûr, on reste en contact. Avec plaisir. Et agréable journée à tous les auditeurs et auditrices. Merci. À très bientôt. Et à Marc aussi, je ne l'oublie pas. Ouais, ok. Écoute. Merci bien, Enrico. Merci. Très bonne soirée à vous, alors. Merci, Enrico. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Voilà, amis auditeurs, auditrices, voilà, l'émission se termine. Alors, je voulais juste vous dire que à 18h, mon amie animatrice Lou, pour son émission L'heure des Loups, donc reçoit l'association sportive Girancourt d'Aumartin au Bois Chaumosy, si je ne dis pas de bêtises, voilà, pour la foire aux frites et le trail des brûlés. Le 23 et 24 juin à Girancourt. Donc c'est à 18h dans l'émission de Lou, l'heure des loups. Voilà, alors je vous laisse. Bye bye à tous, portez-vous bien, bonne soirée. Merci Marc. C'était bien avant le laser. On chantait la vie in the air. Oh, oh, oh, si la première fois sur tous ces chabalas.